voyou. Il finira à Cayenne. Bonjour, bonjour, c'est Zamos. Il y a deux semaines de ça, moi, je vous avais parlé d'un article du Monde Diplomatique qui parlait des villes intelligentes avec plein de caméras partout qui sont super chouettes. Voilà. Et bah, en fait, cet article était sur deux pages et l'article du dessous, c'est ce que je vais faire un peu aujourd'hui. Ça parle des PPP. Bon. Rassurez-vous, ça va pas prendre autant de temps que la dernière fois parce que tout simplement, en fait, je vais simplement parler des PPP. Je vais pas lire tout l'article. Non. Les partenariats publics-privés. C'est en gros, c'est un partenariat que l'État les fait pour des projets bien grades à chaque fois. Par exemple, il me semble que pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'était un PPP. Pour l'aéroport, l'agrandissement de l'aéroport de Roissy, c'est un PPP. Et du coup, là, je vais vous passer un documentaire que j'ai vu sur Internet, sur YouTube. Désolé. C'est un groupe qui s'appelle Tout va bien. Et du coup, là, c'est pas un PPP, c'est pas un PPP français. Ça se passe en Belgique. Et du coup, c'est un documentaire qui dure 24 minutes. À chaque fois, je vais m'arrêter pour dire qui c'est qui parle. C'est un documentaire qui dure 25 minutes à peu près et qui parle des PPP de la prison de Haren en Belgique. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais je suis ici à Haren, devant le chantier de la maxi-prison. On est déjà venu ici avec Tout va bien le 16 février dernier pour couvrir une action de désobéissance civile. En fait, on a suivi des militants qui voulaient purement et simplement bloquer l'avancée du chantier de ce futur énorme complexe pénitentiaire qui va accueillir près de 1200 prisonniers et s'étendre sur 17 hectares. Alors, les travaux avaient été avancés 2-3 mois malgré un avis négatif du Conseil d'État. Alors nous, on a pas mal discuté avec les militants et on s'est rendu compte qu'autour de ce projet, il y avait énormément de zones d'ombre qu'on a eu envie d'éclaircir et du coup, on a fait comme eux, on a creusé. Et franchement, on pensait pas en découvrir autant. Notre enquête nous a conduits dans les hautes sphères politiques. On est pour moi devant un scandale d'État. Cela nous a mené à des sales affaires d'eau polluée à Londres avec des sociétés fumeuses. Je peux pas vous donner des informations. On a touché à des sujets que certains préfèrent ne pas aborder. Et on a même découvert des liens avec Trump. C'est-à-dire que les contrats sont ici quelque part. Je sais pas si vous êtes prêts à connaître la vraie vérité. Bref, plus on a creusé, plus on a eu la sensation de jouer les troubles faits dans ce qui semblait être un petit projet entre potes. On n'y a d'ailleurs pas croisé beaucoup de femmes. Pour commencer, revenons brièvement à l'origine du projet. En 2008. Prisons belges qui sont dans un état lamentable. À l'époque, la Belgique se faisait lyncher pour sa politique carcérale toute pourrie. Surpopulation, taux de récidive de plus de 50%, état de dégradation lamentable des prisons de Saint-Gilles-et-Forêt, la Cour des droits de l'homme condamnait l'État belge pour traitement inhumain et dégradant des détenus. Bref, il fallait faire quelque chose. Et pour répondre à cela, le gouvernement Leterme II, en 2008, a rédigé un masterplan dans lequel il annonce la rénovation des prisons existantes de Saint-Gilles-et-Forêt et la construction de petits complexes de maximum 400 places afin d'absorber la surpopulation carcérale. 400 places, maximum, pour garantir un régime à la fois ferme et humain dans les prisons. Bon, pour le régime ferme, on ne sait pas, mais en tout cas pour le côté humain, tous les spécialistes sont d'accord avec eux. Les maxi-prisons sont un désastre. Et pourtant, en 2010, surprise! Le gouvernement annonce la fermeture des prisons du centre de Bruxelles grâce à la construction d'une maxi-prison de 1200 places, ici, à Haren, loin du palais de justice, et rasant au passage le dernier poumon vert du nord de la capitale. Et ainsi, libérer des terrains à haute valeur immobilière en plein cœur de Bruxelles. Ça commence bien. Ce qui nous a interpellés dans la construction de cette maxi-prison, c'est le choix qu'a fait le gouvernement pour un PPP. Alors un PPP, qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat public-privé. Concrètement, c'est l'État qui délègue une partie des services publics à une entreprise privée. Par exemple, pour la construction d'un bâtiment, son entretien, voire même son exploitation. En Belgique, on en retrouve dans plusieurs services publics, les écoles, les maisons de retraite, les palais de justice, les administrations, les aéroports et évidemment les prisons. Ce type de contrat, il est intéressant pour les gouvernements parce qu'il n'alourdit pas la dette publique. C'est-à-dire que lorsque l'État a l'ambition de faire un grand projet, plutôt que de faire un énorme emprunt, eh bien il le délègue à une entreprise privée, qu'il paye annuellement. Et ce, pendant plusieurs dizaines d'années. Ça passe mieux dans les comptes. Évidemment, parfois, ça peut coûter jusqu'à 3 fois le prix que si l'État l'avait construit lui-même. Parce que les entreprises, ben, leur intérêt, c'est de faire du bénéfice. Et pour ça, les PPP, c'est un bon peu plan. Les États sont de bons payeurs, et moyennant de bonnes négociations, il y a moyen d'avoir quelques clauses sympas dans le contrat. Par exemple, aux États-Unis, les sociétés qui sont chargées de la gestion des prisons obligent l'État à les remplir entre 80 et 100% sous peine d'indemnité. Et puis, s'il n'y a pas assez de criminels, ben, on en trouve. Et ça, ça te donne envie d'aller voir ce qu'il y a dans le contrat de la prison de Haren. Bon, on récapitule. Comment on est passé du masterplan de 2008 à la maxi-prison de Haren? Pourquoi notre gouvernement a fait le choix d'un partenariat privé-public? Et enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Pour répondre à ces questions, rien de tel que la personne à l'origine du projet. Alors, la personne à l'origine de ce projet, c'est Stéphane De Clercq, qui était ministre de la Justice entre 2008 et 2011, qui du coup va parler. Oui, c'est pas l'idéal de faire une prison sur un seul endroit pour 1300 personnes, hommes, femmes, etc. Mais moi, j'étais et je suis encore toujours convaincu qu'avec une bonne architecture, l'effet méga macho disparaît sur base d'une bonne organisation sur le terrain même. Donc moi, j'en étais convaincu, je n'ai pas vu les derniers plans, je ne sais pas comment ça a évolué, c'est plus de ma responsabilité, mais donc, je sais que j'ai poussé le dossier, oui, parce que j'en avais marre d'être confronté tout le temps avec toutes les critiques de tout le monde. Donc, il fallait faire quelque chose. Et donc, il n'y avait qu'un seul terrain, c'était Arne, et donc on a décidé d'avancer. Alors, du coup, ce choix de partenariat privé-public, ça, c'est un choix qui a été posé dès l'origine du projet. Ouais, donc, moi, j'ai installé ce système pour la première fois aussi pour avancer, pour ne plus perdre de temps, parce qu'on avait déjà mis trop de temps. Et avec la régie, comme elle fonctionnait, elle n'était pas en mesure de faire le travail eux-mêmes. Donc, il fallait faire quelque chose avec des externes, même s'il y a, en effet, peut-être des inconvénients dans la formule. Donc de prime abord, c'était surtout pour répondre à une urgence. Absolument. Et donc, du coup, on n'a aucune possibilité d'accès à ce contrat. Je pense qu'il faut demander. C'est la loi sur Openbaarheid van bestuur. Hein, mm-hmm. Donc, il y a une loi qui reste. Donc, la loi dont il vient de passer, dont on n'a pas compris, c'est la loi sur la transparence administrative. C'est juste qu'il a dit en belge, du coup, on ne comprend pas. Règle tout ça. Oui. Bon, Openbaarheid van bestuur. Hein. On va tenter notre chance. Hein. oui, faut y aller. Hein. Je ne sais pas si vous êtes prêt à connaître la vraie vérité. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Hein. Il faut l'accepter aussi. Hein. On ne demande pas mieux. Mais on vous avoue qu'on a comme un doute. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le contrat serait facile à trouver. Il suffit de demander à la Régie des bâtiments, l'organisme qui gère l'ensemble des bâtiments publics en Belgique. Son président, depuis 2008, Laurent Vrijdags, a suivi l'entièreté du processus et participé aux négociations. Bref, si quelqu'un connaît les réponses à nos questions, c'est lui. Vous m'envoyez tout ça, je verrai avec ma cellule de communication ce qu'on peut éventuellement donner comme suite. Moyennant l'autorisation d'un ministre de tutelle de la justice, forcément, quand on parle à Rennes, il faut toujours être assuré de pouvoir communiquer. D'accord, ok. Eh bien, je vous envoie ça tout de suite, alors. C'est gentil. Merci, au revoir. En attendant qu'il soit assuré de pouvoir communiquer, on découvre qu'on n'est pas les seuls à le chercher, ce contrat. L'absence de contrat, il n'y a aucun document écrit entre le gouvernement, la régie des bâtiments et le consortium privé chargé de construire la prison. L'obscurité totale autour des clauses de dédommagement, si jamais... J'ai redemandé encore pas plus tard qu'il y a 10 jours, il m'a dit, chaque fois il me dit oui, vous allez avoir accès, toujours rien. le gars qui parle, c'est un député vert qui s'appelle Gilles Vandenburg. Le contrat a été signé en juillet dernier. On ne connaît pas les montants. On parle de 2 milliards à 3 milliards d'euros, mais donc c'est immense déjà pour le contribuable, bon, sur 25 ans, hein. Mais quand même. Et pourquoi c'est si cher? C'est aussi un PPP, c'est-à-dire que Cafasso construit la prison et la prison lui appartient et l'État va payer un loyer à Cafasso pour utiliser le lieu et utiliser les services tout autour. Chaque fois que vous voulez appeler un jardinier pour arroser les plantes, c'est une facturation, hein, donc avec évidemment une marge, etc., puisque voilà, une marge commerciale. C'est des éléments je dirais, au compte-gouttes qu'on nous donne et qui donnent vraiment une impression de grande, grande opacité et d'arrangement, entre amis, quoi. Bienvenue. On est, pour moi, devant un scandale d'État. Donc là, l'homme qui va parler, c'est un autre député fédéral qui s'appelle Olivier Mangin. On n'a pas le contrôle de la dépense publique par rapport à un projet qui va sans doute être complètement prohibitif sur le plan budgétaire. Comme je dis, il y a le coût d'investissement, mais il va y avoir le coût d'entretien sur X années et que l'État va payer à travers une location, tout simplement, et ça va être prohibitif. Mais tout ça, je ne peux pas le savoir. Mais là, on voit bien que M. Yann Bonne, comme d'autres, disait « Non, on continue ce projet, il nous faut la méga-prison ». D'ailleurs, Kungens continue à le dire. Il dit très clairement « C'est un excellent projet, c'est un projet qui nous convient, on l'a lancé et on va continuer à le soutenir, quoi qu'il advienne, quelles que soient les embûches, arrêt du Conseil d'État ou pas arrêt du Conseil d'État, difficultés en cours d'exécution du marché, on continue, on trace. » Comme un bulldozer. Voilà. C'est vrai que Kungens connaît bien le dossier. Il n'a cessé de pousser le projet à différents postes ministériels. Et pas seulement. Avant ça, son cabinet d'avocat d'affaires, Eubelius, qu'il a quitté au moment de prendre ses fonctions, avait répondu au marché public au sein d'un consortium qui ne sera malheureusement pas sélectionné. Et donc Kungens, il parle vachement de lui. C'est parce que, bon, avant, le ministre de la Justice, donc c'était le premier politicien qui a parlé, Stéphane de Clercq. Il se trouve que maintenant, c'est lui, en fait, c'est Kungens, l'actuel ministre de la Justice. Je suis bien au SPF Justice, donc c'est pas possible. Dommage. Il aurait pu nous expliquer pourquoi Eubelius se vante d'avoir rédigé les contrats et participé aux négociations. Chou blanc aussi du côté du ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, Rudy Vervoort, qui pourtant aurait pu nous éclairer sur son intervention en 2015 où il déclare que le projet de Haren avait été décidé en 2007, soit avant le master plan de 2008. Bon, tout pointe en tout cas vers Laurent Vreidax et la régie des bâtiments. D'ailleurs, de ce côté-là, ça avance. On poursuit le ping-pong de mail. On finira par la voir, cette interview. En attendant, penchons-nous un peu sur l'autre aspect du partenariat public-privé, à savoir le privé. La construction de la prison serait confiée à un consortium, une sorte de conglomérat de multinationales dénommé Cafasso, qui n'existe d'ailleurs officiellement que depuis quelques mois. Et qui, comme le contrat, fait dans la discrétion. Pas de site internet, pas de téléphone, mais une adresse. Et devinez où ? À Haren, bien sûr. THV Cafasso Construction. Des espèces de mains en grillagé, là. On va voir ? C'est ici ? Bonjour. On voulait savoir si on pouvait avoir un porte-parole de Cafasso à interviewer. Bonjour. Bonjour, je fais partie d'un média indépendant qui s'appelle Tout va bien. On ne sait même pas pourquoi vous avez été choisi et pas les autres. Je ne peux pas vous donner des informations. Qu'est-ce qui fait que vous avez plus de qualité que les autres sociétés pour gérer ce dossier? On ne peut pas vous donner l'information, faut aller au régime patrimonial. Il n'y en a même pas un montant approximatif et aucun document ici qu'on pourrait consulter. On ne peut rien. C'est pour des raisons de sécurité ou c'est pour... c'est juste qu'on ne peut pas donner l'information. D'accord. C'est le client qui fait toutes les communications, donc on ne peut vous dire rien. C'est quand même surprenant parce qu'on est des citoyens. Ben, ce n'est pas à nous, c'est la régie de bâtiment. Nous, on ne peut rien donner, c'est dans notre contrat, donc c'est comme ça. Bon, ben, merci quand même. Merci. Merci. Bon ben, on dirait que les travailleurs de Cafasso ne sont pas vraiment plus bavards que leur site web inexistant. Par contre, en fouillant un peu, on peut trouver des infos sur les entreprises qui le composent. Et notamment une entreprise dénommée McCary. Active dans 27 pays, cette multinationale australienne est spécialisée dans les banques d'investissement et les services financiers. Elle emploie près de 14 000 personnes dans le monde, a une fondation qui donne plein d'argent aux pauvres et une collection d'œuvres d'art pour soutenir les artistes émergents. Bref, des gens bien. Elle gère plus de 500 milliards de dollars d'actifs et est dans le top 50 mondial en la matière. Des gens intelligents qui savent où mettre leur argent. McCary. Ils ont notamment racheté en 2006 la Thames Water, la compagnie de gestion en eau potable et des eaux usées de l'agglomération de Londres, pour finalement la revendre en 2017. Sur cette période, ils reversent près de 1 milliard d'euros à leurs actionnaires. Pourtant, en 11 ans, McCary a endetté Thames Water à hauteur de 8,7 milliards d'euros. Le tout pour un service pour le moins médiocre. En 2013, c'est le scandale. Le prix de l'eau a fortement augmenté. Le niveau de pollution de la Tamise atteint des niveaux considérables pour cause d'eau usagée non traitée. On estime que 646 millions de litres d'eau ont été perdus chaque jour par des tuyaux qui fuient. Pour tout cela, la compagnie a été condamnée à une amende record de 23 millions d'euros, soit 2% des bénéfices. Le juge anglais qui s'est occupé de l'affaire a déclaré à l'époque qu'il y avait eu un investissement insuffisant, un maintien diabolique et une mauvaise gestion. Depuis lors, McCary est plus connu sous le nom de Kangaroo Vampire. At Macquarie, we're curious about the world and strive to make it better. Bon, et là, on vous épargne les autres sociétés qui composent Cafasso. Notamment Deneys, cet énorme entrepreneur belge qui construit des pipelines au Yémen pour le compte de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, on a appris aussi que la femme du CEO de Deneys était la photographe officielle de Donald Trump. Ils n'ont pas bientôt un grand mur à construire dans le sud des États-Unis ? Et on ne vous parlera pas non plus de PPP Infrastructure Investment, cette société obscure basée à Amsterdam. Vous savez, le genre de structure juridique de droit néerlandais qui permet à des grosses sociétés comme Google, Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo d'éviter de payer l'impôt. Les bénéfices que se feront les sociétés qui composent Cafasso ne seront donc vraisemblablement pas imposés en Belgique. Voire pas du tout. Bon, ça commence à faire beaucoup là. Je sais pas vous, mais nous on a besoin d'une bonne bière en terrasse histoire de décanter un peu tout ce bordel. Et puis en profiter pour rappeler le député écolo Gilles Van Den Buur. Il paraît qu'il vient d'avoir accès au contrat. Je reçois un mail pour dire voilà, vous avez accès pendant 24 heures. Aller dans une pièce où vous pouvez pas faire aucune copie, rien, pas d'appareil photo, pas d'enregistreur, pas de téléphone, juste un papier, un crayon. Et donc voilà, j'ai dit ok, évidemment j'ai été, je reçois le document qui fait le contrat plus les annexes, plus ou moins 200 pages. Donc voilà, je commence à tourner les pages, les différentes clauses, et je remarque que dès qu'il y a un chiffre, il est surligné en fait, en noir, donc illisible quoi, indéchiffrable. Puis je me dis, tiens, c'est pas vrai. Et puis je continue à tourner les pages. Et puis à un moment donné, où on arrive aux accords chiffrés, au tableau Excel dans le contrat, bah, tout est flouté. Quoi. Enfin, tout est illisible. Donc vous n'avez rien appris de nouveau. Quoi. Mais toute la partie la plus pertinente, intéressante en termes de budget, en termes d'engagement de l'État, en termes de dédommagement éventuel financier, si jamais le projet ne se fait pas, avec tout ça, c'était illisible. Mais c'est quand même bizarre. Mais c'est extrêmement étonnant qu'on fasse cela. Par rapport à un député qui signe en plus un engagement de confidentialité. Vraiment, procéder de cette manière-là, ça éveille encore plus, je dirais, les soupçons. Bon, pour le contrat, je crois que c'est mort. Hein. Si lui l'a pas eu, on va à la régie des bâtiments. Il faut qu'il nous explique. On va décrocher l'interview. On a l'interview. On va chercher le. On va dire que les contrats sont ici quelque part. Il n'y a rien à cacher, tout est public, sauf qu'on est dans une relation contractuelle. Et donc là, c'est le président de la régie des bâtiments qui s'appelle Laurent Vrisdax. Enfin, un truc du genre. Les chiffres font partie du dossier, mais il y a des chiffres qu'on ne peut pas, sans l'autorisation du partenaire privé, publier. Et donc le citoyen dépend d'une multinationale pour savoir combien l'État va payer. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'autorisation de CAFASO pour savoir... si on peut diffuser les chiffres dont il est aussi propriétaire. Donc il y a des informations qui appartiennent à CAFASO et qui font partie prenante de ce contrat. Un contrat, c'est toujours entre deux parties. Entre l'État et le privé, mais c'est l'organe qui contrôle... L'État n'a pas la possibilité de contrôler, j'ai l'impression que c'est le privé qui a le contrôle. Là, c'est le privé qui a le contrôle de ces chiffres. D'accord. Bon. Le choix d'un PPP, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour les dépenses publiques? Par le passé, quand on construisait une prison, on allait d'abord chercher un architecte, on allait chercher un constructeur, un entrepreneur, puis on allait chercher une entreprise qui entretenait le bâtiment, et puis on allait chercher les financements, et puis on allait chercher... les partenaires nécessaires pour exploiter la prison. Aujourd'hui, dans une procédure de marché public, avec un consortium privé qui représente finalement à lui et qui rassemble en son sein l'ensemble des compétences, nous n'avons plus qu'un interlocuteur qui est responsable de tout. Alors oui, on pourra toujours prétendre que le privé coûtera peut-être toujours plus cher que le public, pour la simple et bonne raison que le privé, dans ce genre de procédure, prend un risque. Il prend un risque de construire à ses frais, de dessiner à ses frais et de mettre à disposition à ses frais un bâtiment que nous ne payerons par indemnité d'occupation annuelle qu'à partir du moment où nous serons satisfaits du produit. Ce consortium CAFASO, il est quand même composé de partenaires qui sont assez obscurs. Macquarie a une réputation quand même assez douteuse dans le milieu. On les appelle quand même les kangourous vampires dans le milieu de la finance. Ça fait sourire, mais justement, ça fait un peu peur. C'est pas drôle, non ? Non, c'est pas très très drôle. Si c'est le cas. Quand on sait que... Enfin voilà, c'est pour ça qu'on se pose vraiment ces questions. Alors, il n'y a pas que Deneige, il n'y a pas que CAFASO, il n'y a pas que Macquarie. C'est un consortium qui représente plusieurs personnes. Oui, ils sont trois avec d'autres sous-traitants, etc. Donc, nous avons consulté la banque Carrefour. Aucun signal ne nous a alerté sur la composition de ce consortium. Moi, j'ai tapé leur nom sur Google et je suis tombé là-dessus. Quoi. C'est assez oui, mais moi, j'ai tapé leur nom sur la banque Carrefour. Et encore une fois, nous avons nos référentiels qui nous permettent, avec nos consultants, qu'ils soient juridiques, financiers, techniques et autres, de vérifier si le profil est conforme. Donc c'est une question de chiffres et pas d'éthique, jamais. C'est une question, tant que Deneys exerce en Belgique, tant que Macquarie exerce en Belgique, et qu'aucune autre instance plus compétente que la régie n'émet des critiques par rapport à leur façon de fonctionner, ou interdise purement et simplement leur activité en Belgique, qui sommes-nous pour les refuser? Puisque ces gens ont accès au marché belge. On a été choisir le candidat qui répondait à nos critères de performance, à nos critères de sélection et qui offrait les meilleurs avantages, en tout cas les meilleures conditions financières pour un projet de cet ampleur-là. Décidément, on n'a pas les mêmes critères. Et apparemment, il n'y a pas que nous que ça dérange. On a probablement choisi les pires sociétés qu'on pouvait imaginer avec lesquelles travailler. Et donc là, c'est Olivier de Schutter. C'est un auteur, notamment un auteur du livre « L'institution du droit pénitentiaire ». C'est inouï que dans le choix des partenaires de la politique pénitentiaire de la Belgique, quand même, on n'ait pas des critères minima qui s'assurent que l'on travaille avec des entreprises qui sont recommandables et qui respectent certains critères éthiques de responsabilité sociétale. Et justement, en fait, comment on explique le choix de ce partenariat privé-public ? Écoutez, personnellement, je n'ai pas de réponse. Et c'est là que je dois vous décevoir. Je ne vois pas la justification de recourir à un partenariat public-privé. En tout cas, la justification n'est certainement pas de bonne gestion des finances publiques. Ce sont des détenus qui vont coûter beaucoup plus cher aux contribuables, qui vont rapporter beaucoup d'argent à ces sociétés privées et pour des bénéfices qui sont très difficiles à comprendre parce qu'en réalité, cette prison ne va pas du tout favoriser la réinsertion des détenus. C'est une prison qui est loin des lieux où ces détenus peuvent travailler une réinsertion dans des projets communautaires. C'est une prison massive qui ne permet par conséquent pas un suivi individualisé des détenus. C'est une prison qui sera très difficile d'accès pour les familles comme pour les avocats, ce qui mettra en péril l'exercice des droits de la défense comme la poursuite de la vie familiale. Donc c'est à tout point de vue une prison qui n'est pas justifiée dans la manière dont elle est conçue. Et donc, malheureusement, il y a une logique de minimisation des coûts, de maximisation des profits qui est celle du privé, qui n'est pas compatible tout simplement avec l'objectif d'une politique pénitentiaire qui veut réduire le risque de récidive. C'est l'avenir de la politique pénitentiaire de la Belgique qui se joue à Arènes, quoi. Voir l'avenir des services publics tout entiers. Comme l'ont dit Stéphane Declercq et Laurent Vreidags, la régie seule n'a pas les capacités de prendre en charge la construction d'un tel chantier. Pourquoi ? Parce qu'entre 2002 et 2018, la régie est passée de 2000 à 800 employés. Austérité oblige. La suite est logique. Donc là maintenant, il y a Noam Chomsky qui va parler. Bon, alors je ne m'appelle pas Noam Chomsky, mais je vais quand même traduire ce qu'il va dire. C'est la technique standard pour privatiser un service public. Vous commencez par baisser son financement. Puis, quand ça ne fonctionne plus, les gens s'énerveront et demanderont que les choses soient faites. À ce moment-là, vous refilez la gestion de ce service aux entreprises privées. Et du coup, on se retrouve avec des grosses multinationales comme McCarrie à la gestion des prisons. Des multinationales qui imposent leurs conditions et dont le seul objectif est quand même de faire des bénéfices en mettant des gens en prison. Et tout ça en endettant les États. C'est d'ailleurs ce que dénonce la Cour des comptes européenne. Si avant, elle encourageait les PPP, aujourd'hui, elle considère que c'est une solution qui n'est économiquement pas viable. Elle dénonce les retards, la grande opacité autour des contrats et les énormes marges qui sont réalisées par les multinationales sous couvert d'une soi-disant prise de risque qui est finalement très limitée. Mais voilà, les derniers gouvernements ont choisi cette option plutôt que d'avoir à assumer une note salée une fois arrivés aux élections. Et ainsi, par la même occasion, évincer tout débat sur la politique carcérale en Belgique. Pour reprendre l'expression de M. Vreidags, effectivement, on n'a pas les mêmes référentiels. Quand nous, on parle d'opacité, ils nous parlent de liberté de marché. Lorsqu'on parle d'éthique, on nous parle de rentabilité et d'efficacité. Et au final, qui c'est qui gagne ? Nous ? Les gouvernements ? Ou les multinationales ? Et voilà ! Terminé pour cette enquête, hein, cette toute première enquête, tout va bien. Alors n'hésitez pas à donner vos commentaires, vos retours justement par rapport à ce nouveau format. Je voudrais surtout en profiter pour remercier tous les militants qui se mobilisent pour empêcher la construction de cette maxi-prison, qui nous ont donné énormément d'informations, énormément de conseils. Et si vous aussi, vous voulez vous documenter plus en profondeur, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Ni prison, ni béton ». Qui collecte donc l'ensemble des documents qui reprennent toute l'histoire de la lutte. Voilà, allez-y, ça vaut la peine. Puis alors pour nos sources à nous, il suffit de voir dans les commentaires ici en dessous. Alors on n'a pas eu la possibilité de traiter la question épineuse de la politique carcérale en Belgique, mais vous inquiétez pas, on va revenir dans une nouvelle vidéo pour traiter ça en profondeur. Et puis pour le reste, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, vous savez comment faire. Ciao, ciao.